sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Mais bon, une petite pause musicale sera sûrement plus agréable qu'une publicité. Sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Passez au reconditionné. Smartphone, ordinateur, audio, console, adoptez des milliers d'appareils tech vérifiés par des partenaires de confiance. Garantie contractuelle du vendeur pouvant aller de 12 à 24 mois venant en complément des garanties légales de conformité et des vices cachés. Voir conditions sur backmarket.fr. Back Market. Vous allez entendre, dirigé par Jean-Pierre Morphée, une nouvelle version de la célèbre émission « Qui est-ce ?». Voici donc le premier portrait qui va être mis en compétition entre deux équipes, une équipe féminine et une équipe masculine. L'équipe féminine est composée de Madame Simone, de Françoise Giroux et de Marie-Louise Villiers. Nous en tremblons. L'équipe masculine est composée d'Emmanuel Berle, de Maurice Clavel et de Jean Eberle. C'est très commode, ils vont trouver tout de suite. Molière, malgré tout son talent, n'aurait pas pu le monter en une pièce digne de ses chefs-d'œuvre. Le public aime à retrouver dans les personnages présentés les traits essentiels de quelques-uns des siens. Or, celui-ci défie toute vraisemblance. Il est à la fois l'avare, le misanthrope et Tartuffe, sans pour cela se trouver au complet, car il n'y a certainement pas de personnage de théâtre assez représentatif de la somme d'orgueil, d'égoïsme et de cynisme qu'il habitait. Acrobate de la philosophie, il édifia une doctrine destinée à magnifier les petites saletés qu'il commit durant son existence. Schopenhauer. C'est Schopenhauer? C'est Schopenhauer. Ah, c'est bien, c'est les spécialistes. Mais en milieu. Non, mais j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu sur Schopenhauer, ce que vous en pensez. Oui, oui. Tartuffe, j'en sais rien, mais avare et misanthrope, certainement. Oui. Nous allons en rester là et, en cachant le score, applaudir la victoire de l'équipe masculine. Rares sont celles et ceux qui peuvent se vanter d'avoir accompli un chef-d'œuvre à 30 ans. C'est le cas d'Arthur Schopenhauer. Avec le monde comme volonté et représentation, il signe au début du 19e siècle ce qui sera le grand œuvre de sa métaphysique, l'essence de sa philosophie pessimiste. Mais rares sont aussi celles et ceux qui peuvent se vanter d'avoir réussi à vivre jusqu'à l'âge de 72 ans en étant précisément devenu le philosophe pessimiste par excellence. Et c'est donc aussi le cas d'Arthur Schopenhauer et de ce qu'il a élaboré à travers des textes moins connus, dispersés, fragmentés, nourris tout au long de son existence. De l'art d'être heureux à l'art d'avoir toujours raison, celui qui considérait le monde comme fondamentalement mauvais a malgré tout tenté de se donner les moyens d'y survivre et tout commence avec l'art de se connaître soi-même. Bonjour Hugo Battini. Bonjour. Vous enseignez la philosophie en classe préparatoire à Paris, vous dirigez une collection d'ouvrages philosophiques aux éditions Ellipse. Vos travaux portent sur Schopenhauer et l'idéalisme allemand. Vous avez participé à la nouvelle édition critique du monde comme volonté et représentation chez Gallimard. Et vous êtes l'auteur de du dictionnaire Schopenhauer aux éditions Ellipse, de Schopenhauer aux éditions du Cerf et de Schopenhauer, une philosophie de la désillusion aux éditions Ellipse. On adore aussi les éditions Ellipse, ça tombe bien. Alors on connaît Schopenhauer comme le philosophe de la métaphysique, d'une métaphysique, comme un philosophe pessimiste. Comment en est-il venu à écrire un texte qui semble plutôt relever de la philosophie pratique, plusieurs textes même dont on va parler cette semaine, tels que aujourd'hui là, l'art de se connaître soi-même? Alors le texte qui va nous occuper aujourd'hui est un peu spécial parce que c'est pas véritablement destiné, il n'était pas destiné à être un essai. C'est ça qui est problématique. Il est constitué d'une trentaine de feuillets. C'était des notes éparses qui sont constituées, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le Narlas, c'est-à-dire les carnets de travail de Schopenhauer, et qui sont édités en allemand. Il y a quelques volumes traduits en français, mais pas celui-ci. Et donc il y a une sorte de tension autour de ce texte, donc qui n'est pas un traité à l'origine, qui est une sorte de petit vade-mecum, de journal intime que Schopenhauer va commencer à écrire en 1821-1822. C'est assez difficile du coup de dater les fragments, dans une période qui est vraiment la loose complète pour lui, c'est-à-dire qu'il se retrouve pris, jeté de l'université. C'est un des motifs, à mon avis, qui enclenche justement l'écriture de ces petits traités qui vont quasiment tous se suivre dans une période qu'on appelle la période berlinoise, hein, puisque Schopenhauer va rester jusqu'en 31 à Berlin. 1981, et qui va suivre une année où il a été malade. Il a aussi un procès en cours. Enfin, il y a toute une série de choses. Un procès pourquoi ? Il a, alors la légende dit qu'il a jeté dans l'escalier sa logeuse parce qu'elle aurait été indiscrète et qu'elle parlait fort. En réalité, c'est pas exactement ça, mais il a un procès pour coups et blessures. Ouais. Ah, quand même. Ouais, qui va faire, qui va payer toute sa vie une rente à Madame Marquet pour cette histoire-là. Donc, il est, alors ça, c'est tous les aspects un peu secondaires de Schopenhauer, mais qui sont ceux qui font aussi son succès. Voilà. Et il est né, il faut le dire quand même, en 1788. Il a écrit à 30 ans Le Monde comme volonté et représentation. Quel est ce texte? Comment expliquer déjà qu'il ait écrit un tel texte comme ça à 30 ans et que après, par la suite, en fait, il y ait plus eu des productions telles que L'art de se connaître soi-même ou L'art d'être heureux qui sont, on va le dire, en fait, secondaires? Oui, Le Monde comme volonté et représentation, donc c'est 1819, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le chef-d'œuvre d'une vie. C'est, on verra que c'est comme ça qu'il se définit d'ailleurs. C'est uniquement par rapport à cet ouvrage. C'est un chef-d'œuvre qu'il va réécrire pendant plus de 30 ans. Il va y avoir trois versions successives sur lesquelles il va vraiment apporter des modifications sensibles. Hein, la deuxième édition, en 1844, double le volume. C'est-à-dire, c'est comme s'il le réécrivait et qu'il y avait des notes supplémentaires. Ça, le volume double littéralement. Et le texte qu'on étudie aujourd'hui du Monde comme volonté et représentation, c'est ce texte-là qui, ouais, est, c'est qui le, est augmenté. C'est Le Monde et ses compléments. Voilà, il y a deux volumes comme ça qui suivent, alors, et qui se correspondent l'un l'autre. C'est comme si il réécrivait complètement ce texte-là. Donc c'est ça qui est intéressant par rapport aux essais que vous étudiez cette semaine, c'est d'essayer de comprendre quel est le lien entre ce texte somme qu'il écrit de façon continue. Hein, c'est comme une sorte de spirale qu'il approfondit de façon permanente. Tous les autres textes qu'il écrit, donc dans les plus connus, ceux qui sont publiés de son vivant, parce que aucun des traités ne vont être publiés de son vivant, à part l'aphorisme dans la sagesse dans la vie, mais qui va être repris dans les parergas, donc plutôt en fin de carrière, donc dans les écrits, c'est-à-dire par exemple De la volonté dans la nature en 1836, c'est que des livres qui vont venir confirmer son hypothèse fondamentale et qui sont des sortes d'ajouts. Voilà. Alors, vous avez dit que c'était la lose totale pour Schopenhauer au moment où il écrit, en tout cas, ou en tout cas, il commence à écrire ces sortes de fragments, en fait, pour lui-même, dont L'art de se connaître soi-même. Alors, il faut le dire, en fait, il enseignait, ça marche pas du tout. Hegel enseigne en même temps que lui et il a tellement de monde que, du coup, les cours de Schopenhauer sont vides. Il a pas de succès. Le Monde comme volonté et comme représentation, c'est un chef-d'œuvre, mais enfin, c'est pas du tout lu. Et il faudra que Schopenhauer attende 1851, avec la publication donc un autre grand texte, mais qui est en fait fait de petits textes qui s'appellent les Parerga et Paralipomena, pour qu'il rencontre enfin la renommée. Alors c'est même, il la rencontre pas tout de suite. Hein, ce qui est très intéressant, et ça va expliquer quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant, c'est que Schopenhauer est le philosophe le plus lu de la seconde moitié du 19e siècle. Ça devient une star incontestable de la philosophie. Alors que ça commençait très mal. Ah, ça commençait très mal. Alors du coup, il devient célèbre, mais beaucoup trop tard. Et pour une raison, c'est-à-dire qu'il est, c'est presque le journalisme qui va le mettre en avant, c'est qu'en 1853, donc deux ans après l'apparition des Parerga, qui passe relativement méconnu, il paraît en Angleterre, dans la Westminster Review, une recension d'Oxenford, qui est donc un linguiste anglais, et qui va mettre en avant Schopenhauer contre Hegel. Alors c'est plus facile, le match peut être joué facilement, puisque Hegel est mort. Hein, il est donc, mort du choléra. Hein, il est mort du choléra, ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que, ça fait partie des sortes de petites légendes sur Schopenhauer, c'est que Schopenhauer va quitter Berlin parce qu'il fait un rêve prémonitoire, où il croit qu'il va mourir, et donc il quitte Berlin un an avant l'épidémie de choléra. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, et Hegel va mourir de cette épidémie-là. Et donc, du coup... cet article qui met en rivalité Hegel et Hegel, qui présente la philosophie de Schopenhauer, par contre, en mettant l'accent, à mon avis, sur ses éléments les plus secondaires, mais aussi peut-être les plus vendeurs, c'est-à-dire le pessimisme, principalement le pessimisme. Et donc, Schopenhauer va être très malin, va faire traduire le texte par certains de ses disciples, va s'arranger pour que ce soit publié dans une revue allemande, puis en France, et d'un seul coup, il va devenir une sorte de star de la philosophie. Mais donc, du coup, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il va devenir célèbre, peut-être pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pour des textes plus secondaires. Comme par exemple celui qu'on va étudier aujourd'hui, qui à l'époque n'est pas publié, mais... Et qui ne devait pas être publié, qui est même pas un texte, il est même pas dans les paragraphes, il sert presque pas de matériaux, il y a quelques citations qu'on va retrouver, mais effectivement, là, ce sont des textes plutôt secondaires par rapport à ce qui est massif et qui est son chef-d'œuvre, qui est Le Monde comme volonté. Et quand il a été connu, Arthur Schopenhauer, il était lu par qui, en fait? Quand vous dites que c'était une star, en fait, c'est que c'était une star dans le milieu universitaire de la recherche, ou vraiment au-delà de ça, qu'est-ce qui était lu de lui? Qu'est-ce qui plaisait en lui? Qu'est-ce qui parlait en lui? Alors, ça va jamais être une star vraiment universitaire. D'ailleurs, il va publier un autre petit essai qu'on retrouve dans les Paris-Regards aussi, qui est contre la philosophie universitaire, où il va être très clair. Hein. Il dit, il y a des gens qui vivent de la philosophie et ceux qui vivent pour la philosophie. Donc, lui vit pour la philosophie, donc il n'a pas fait carrière à l'université. Donc, il y a une sorte de rancœur, évidemment, de cet épisode dont vous parlez, hein, c'est-à-dire de la confrontation avec Hegel, qui fait que, pour être très concret, Schopenhauer va enseigner moins d'un semestre. Voilà. Hein, Hegel a 200 étudiants, il en a moins de 5. Donc ah ouais. C'est là-dessus, et sachant que le statut d'enseignant qu'il avait, il était payé par les auditeurs. Donc, oui, donc il était payé rien. Il était payé rien, voilà. Et donc ça va être effectivement un des aspects problématiques pour lui. Ouais. Et donc il n'est pas lu par le cercle universitaire, non, donc, mais plutôt par qui par les artistes. Ben c'est alors il va être lu au début les Paris-Regards et Paris-Imoména, c'est une sorte de choix de texte avec où tout se côtoie, c'est-à-dire il va y avoir des bons mots qui vont faire sensation en société. Il va y avoir des textes aussi plus sérieux, presque des notes pour de futurs essais. Il va y avoir les aphorismes sur la sagesse dans la vie, qui là sont une sorte de leçon de philosophie pratique. Et en réalité, ce qui va commencer à s'enclencher, c'est sa théorie de l'art. Avant qu'il meure, Wagner, donc avant que Schopenhauer soit mort, Wagner va lire et va complètement se focaliser sur sa théorie esthétique. Il a l'impression que c'est le philosophe qui dit ce qu'il veut dire de la musique. Donc en 1854. D'ailleurs, il va lui envoyer... Le Ring, et Schopenhauer, c'est là où on voit qu'il n'est pas toujours très lucide, à note juste en disant Wagner, meilleur poète que musicien. Voilà. Mais ça va quand même avoir son importance, parce que via Wagner, après ça va retomber, après sa mort, ça va être Nietzsche, et après, une fois qu'il est mort, c'est inimaginable, je pense qu'il n'y a pas d'auteurs qui ont autant influencé la scène artistique européenne. Parce que ça va être Marcel Proust, mais ça va être Samuel Beckett, ça va être Céline, ou même jusqu'à aujourd'hui, vous avez Houellebecq qui se revendique ouvertement de Schopenhauer, qui a sorti un petit livre d'ailleurs de commentaires sur lui. Voilà. C'est les peintres, les musiciens, les écrivains ont trouvé en Schopenhauer celui qui dit clairement les choses. Ouais. Lorsqu'il me vient des accès d'insatisfaction, je songe toujours à ce que signifie le fait qu'un être comme moi puisse toute sa vie durant employer cette vie à développer ses dispositions et à servir sa vocation innée. Et je me redis qu'ils étaient des milliers à parier tous contraints que c'était là chose impossible, que je ne saurais qu'être très malheureux. Lorsqu'il m'est arrivé parfois de me sentir malheureux, la cause en a plutôt été une simple méprise, une erreur de personne. Dans ces moments, je me suis pris pour un autre que moi, un être dont je me suis mis à déplorer le triste sort. Je me suis pris, par exemple, pour un chargé de cours à l'université qui n'obtient pas de chaire et dont les cours n'ont pas d'auditeurs. Ou pour quelqu'un sur le compte duquel tel philistin dit des horreurs et les commères cancanent en sirotant leur café. Ou bien pour l'accuser d'un procès pour injure, ou encore pour l'amoureux que la jeune fille dont il s'est entiché ne veut pas exaucer. Ou pour ce patient que la maladie condamne à garder la chambre, ou pour d'autres personnes de ce genre qui s'escriment contre ce genre de misère. Tout cela, ce n'était pas moi. Tout cela, c'est une matière étrangère dont était faite tout au plus la redingote que j'ai portée un temps avant de l'abandonner pour une autre. Mais qui suis-je ? Celui qui a écrit le monde comme volonté et représentation et apporté au vaste problème de l'existence une solution qui va peut-être rendre obsolètes les précédentes ou du moins donner du grain à moudre aux penseurs des siècles à venir. Voilà l'être que je suis. Et qu'est-ce qui pourrait bien venir le contredire dans les années qui lui restent à respirer ? Alors c'était un extrait donc de L'art de se connaître soi-même qui est publié aux éditions Payot et Rivage, donc dans une préfacée par Franco Volpi. On pourra revenir là-dessus, Hugo Battiné. Donc c'est un texte de Schopenhauer interprété par François Raison. C'est le paragraphe 8 pour ceux qui veulent s'y référer. Alors là, le texte est très clair, mais qui suis-je ? On a l'impression que ça fait directement écho au titre en fait de ce recueil de fragments, L'art de se connaître soi-même, mais en fait ce titre-là ne convient pas spécialement en fait, à l'expérience qu'on a de la lecture de ce texte. Schopenhauer sait très bien qui il est. Il ne va pas du tout faire un manuel pour se connaître soi-même. Au contraire, en fait, il fait plutôt un point, il a plutôt des stratégies en fait, de défense face au monde qui l'entoure. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, bon, c'est ce qu'on disait, donc c'est pas un traité organisé, rédigé, qui a vocation à être publié. C'est un ensemble de feuillets dans lesquels il écrit en grec « eiseoton », c'est « se connaître soi-même ». Ça ressemble un peu à, dans l'idée, ce serait une sorte de parallèle avec « Pensée pour moi-même » de Marc Aurèle. Donc Schopenhauer s'inspire de ça. Pour la formation de ce texte, voilà, il y a clairement un ancrage dans une sorte de littérature du soin de soi qui est propre à l'Antiquité et qu'on retrouve chez Cicéron, Sénèque et donc Marc Aurèle, Épictète. Voilà, donc il y a ça. Puis après, il y a aussi un goût pour Schopenhauer qui est assez particulier pour les grands moralistes. Montaigne, mais aussi Balthazar Gracian, qui est un jésuite espagnol qu'il veut traduire. Donc pareil, hein, dans qui écrit L'homme de cour. L'homme de cour, dont il veut proposer une traduction, enfin qu'il l'a traduit d'ailleurs en allemand. Hein, il apprend l'espagnol juste pour traduire ce texte-là. Ah oui. Voilà. Donc et il d'ailleurs, c'est des travaux qui mènent à peu près en même moment que les éditions de ses petits traités, c'est-à-dire les années jusqu'à 1830. Voilà, comme ça. Il commence ses travaux de traduction et donc ce texte, voilà, c'est ce qui explique son aspect assez décousu. Il y a quoi ? Il y a trois thèmes globalement. Si on fait un peu la compilation de ses notes, alors je laisse de côté, à la fin du texte, il y a toutes les citations qu'il aime bien. Mmh. C'est une sorte, dès qu'il y a un truc qui lui plaît ou qui l'inspire, il le note comme ça. C'est en gros la société et les aspects négatifs de la société, hein, c'est-à-dire... Ça revient beaucoup. C'est dominant. Oui. C'est son opposition avec ce qu'il appelle les bipèdes, les autres hommes. C'est les femmes. Voilà, qui font partie des bipèdes, mais qui voilà, quand même ont un statut particulier, c'est voilà, vrai. C'est encore plus négatif. Et il y a aussi, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le rapport au temps et qu'est-ce qu'on doit faire de ce temps-là. Voilà. Et ce texte-là, je trouve, enfin, j'ai l'impression, est l'occasion d'un miroir où il essaye de se raisonner. C'est-à-dire que ce qu'on a dit au tout début, ce qu'on voit dans le texte, il dit, hein, c'est quoi l'origine du malheur? C'est je me suis pris pour un autre que moi. Et il fait l'énumération. Je me suis pris pour un professeur sans étudiant, je me suis pris pour un amoureux éconduit. Et donc là, honnêtement, ce texte, c'est ça qui me fait laisser penser que c'est pas forcément des textes liés à la publication, c'est qu'il renvoie très directement à des éléments biographiques qu'on peut tous expliquer. Mais ce qui est assez fou, parce que ça veut dire que là, en fait, on est presque en train de lire un Schopenhauer intime, pour reprendre ce qui sera un peu une émission de télé-réalité ou de discussion où on entend les invités se livrer. Mais c'est vrai qu'en fait, là, on a quand même quelqu'un qui, finalement, ne va pas donner de conseils. On a parlé quand même de ce titre, « Se connaître soi-même », qui fait quand même clairement référence au « Connais-toi toi-même » de la sagesse antique, de Socrate, qui est quand même une injonction qui était gravée donc sur le temple d'Apollon à Delphes, mais il n'y a pas de visée épistémologique ni forcément éthique. En fait, dans ça, c'est vraiment plutôt des textes intimes qui ont, malgré tout, ou alors je vous pose la question, Hugo Bettini, un rapport quand même avec sa philosophie, le monde comme volonté et représentation. Par exemple, ce texte-là sur l'idée de méprise, il y a quand même une découverte de soi, l'idée de l'identité. Est-ce que ça, en fait, c'est des choses qui sont quand même sous-tendues dans sa philosophie ou vraiment c'est que de l'intimité là ? Bah, c'est des textes essentiellement biographiques, mais qui ne se coupent pas de l'arrière-fond métaphysique qui est si central pour lui. C'est-à-dire que chaque texte, on peut le rattacher à une notion du monde et essayer d'expliquer ce qu'on a dit, que ce soit pour les femmes, l'ennui. Et ça pose pas de problème. Donc, c'est quand même, les textes sont pas inintéressants, ils ne sont pas que de l'ordre du privé. Il y a quand même cette indication de l'ordre du privé, c'est que, il avait demandé à brûler les textes. Voilà. Alors que c'est quelqu'un qui fait très attention à sa réputation donc celui qui s'occupe de sa succession, Gwinner, en tout cas laisse entendre que Schopenhauer lui a dit qu'il devait brûler les textes, et puis en réalité il fait une biographie, on voit des fragments ressortir que les autres ne connaissaient pas, et on comprend qu'il a gardé les feuillets et qu'il ne les a pas brûlés. Mais vous voyez, cette indication, pour moi, elle montre qu'il y a quand même l'idée de quelque chose d'assez intime, parce que il paraît pas, le texte peut paraître arrogant, hein, qui suis-je, je suis l'auteur du monde comme auteur de prestation. J'ai apporté une solution au problème, voilà, du monde. C'est que cette idée, il a apporté la solution au problème du monde. Sauf qu'à cette époque-là, il n'est personne. Donc au moment où il écrit ce texte-là... Parce que ça, ces fragments-là, ça date... 1822. Voilà, ouais. C'est ça, 1822. Donc c'est 3 ans après Le Monde comme volonté et représentation, qui est un échec. Ah mais c'est... je crois qu'il n'y a pas pire. Et puis surtout, c'est un échec d'autant plus qu'il en attendait un succès. C'est-à-dire, il est persuadé, il finit la rédaction du Monde en 18, il publie en janvier 19, il part en Italie en disant qu'il va se reposer un peu avant ce succès, et puis rien. Il n'y a quasiment pas une recension, personne n'en parle. C'est presque étonnant, parce que c'est quand même un texte d'une très grande qualité. Et il y a, et c'est d'autant plus étonnant que par sa mère, il a accès quand même à, qui tient salon à Weimar, aux penseurs les plus éminents d'Allemagne, Goethe par exemple, avec qui il a travaillé. Il a travaillé avec Goethe sur un petit essai sur la vision et les couleurs. Donc il y a quasiment aucune recension. Il y a le penseur romantique Jean-Paul qui fait quelques mots et qui dit « voilà, c'est tellement noir ». Il dit « je préfère le lire que l'écrire », mais il dit quand même que c'est un très beau texte. Il y a peut-être une recension de son prof Schulz, qui était un très connu dans l'idéalisme allemand pour faire une critique du kantisme, mais il n'y a rien. Voilà. Il s'attend à un succès et il n'y a absolument rien. Et c'est ça, plus que le procès, plus que peut-être les querelles amoureuses avec la chanteuse d'opéra dont il est amoureux. C'est ça, à mon avis, qui le mine et qui fait qu'il est obligé de se rappeler, malgré tout, qu'il n'est pas toute cette suite d'échecs, il est l'auteur du monde. Et est-ce que ce titre, L'art de se connaître soi-même, est donc complètement artificiel, voire même un petit peu mensonger? C'est quelque chose de l'ordre de la connaissance, en fait, dans ce texte, et de la connaissance de soi. Alors, il y a la volonté de se tendre un miroir. Après, effectivement, le titre n'existe pas. C'est pas l'art de se connaître soi-même. Ça, c'est Volpi qui décide de rajouter Kunst devant se connaître soi. Donc voilà, c'est juste, c'est pas un coup éditorial non plus, hein. Mais c'est quand même cette idée-là que c'est pas un véritable traité. Tous les autres traités que vous allez voir auraient pu être publiés dans l'État. Celui-ci, on sait pas. Est-ce qu'il n'y en a pas plus de pages? On ne sait pas non plus. Mais alors, c'est presque émouvant, en fait, de se dire qu'on a affaire à un Schopenhauer d'un journal intime, parce que il est vraiment mal. Enfin, en fait, c'est-à-dire que on va entendre d'autres textes, hein, évidemment, et on va voir. Donc, il est persuadé quand même d'être le maître du monde, de faire partie des génies, de faire partie de cette élite qui compose un sixième de l'humanité. Il déteste les autres sont étroits d'esprit, ils sont occupés à des choses vaines, à l'amour qui est inutile, qui est une ruse de la nature. Mais finalement, en fait, c'est quelqu'un de très seul, et on a l'impression qu'il se justifie. En fait, il n'apprend pas à se connaître lui-même, il se connaît déjà. Ouais. Et finalement, c'est plus une stratégie pour faire face au monde et pour quand même, malgré tout, vivre alors qu'il est pessimiste. Et ça, c'est une vraie question de philosophie. C'est comment on continue à vivre quand on dit que le monde est mauvais. C'est tout à fait ça. Mais le fait qu'il ne se connaisse pas si bien que ça, c'est peut-être justement le fait qu'il ait besoin de s'écrire pour se connaître. Ce qui se passe dans ses feuillets, voilà, qu'il soit un traité publié ou pas, ça, il est obligé quand même de se rappeler que l'amour est secondaire. Donc le fait qu'il... Le temps qu'il passe sur... Il s'auto-convainc, vous voulez dire. Voilà, je pense que pour moi, il y a quand même cette idée-là. Je pense que aussi dans ces années-là, il est quand même, je pense qu'on peut le dire, aigri. Aigri par l'insuccès de son œuvre, et que ça rejaillit effectivement sur déjà la vision très noire qu'il pouvait avoir de l'humanité. Alors, est-ce que sa philosophie pessimiste vient soutenir finalement ces aléas de la vie, ou est-ce que c'est ces aléas de la vie-là qui vont réalimenter sa philosophie pessimiste? Parce que là, il y a quand même une concordance qui est assez frappante. Oui, je pense que les deux se nourrissent l'un de l'autre. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que le pessimisme, c'est considéré comme quelque chose d'assez secondaire, en tout cas pour lui. Hein. Le mot pessimisme n'apparaît pas dans la première édition du Monde comme volonté de représentation. Et pourtant, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de Schopenhauer. Ben voilà, parce qu'il y a aussi chez Schopenhauer une caricature. C'est la caricature dont vous parliez dans la présentation, c'est-à-dire du vieil homme qui, avec son chien, qui est probablement aigri, qui adore son chien mais qui déteste les hommes. Il y a quand même une sorte de portrait et d'image d'épinal de Schopenhauer qui ne correspond pas à la réalité de l'auteur du Monde qui écrit effectivement Le Monde à 30 ans. C'est pour ça que c'est important de le rappeler. C'est que il y a un très beau portrait de lui jeune, où on a l'impression que c'est une sorte de jeune romantique qui est dans la force de la vie. Et on a de lui cette image, et qui est, comme je disais, peut-être rappelée aussi par ce qui a retenu l'attention dans sa philosophie. Vouloir le moins possible et connaître le plus possible. Telle est la maxime qui a dirigé le cours de ma vie. Car s'il est en nous chose foncièrement grossière, mauvaise, c'est bien la volonté. Il faut la cacher comme on le fait de ses organes génitaux, et bien que l'une comme les autres constitue les racines de notre être. Ma vie est celle d'un héros, et on ne saurait la juger à l'aune de celle du Philistin, ou en prendre la mesure avec le maître du boutiquier, ni à l'aide d'aucun des critères appropriés pour appréhender la vie du commun des mortels, dont l'existence est purement individuelle, bornée à sa brève durée. Je n'ai donc pas lieu de m'affliger en songeant qu'il me manque ce qu'il leur faut pour que leur vie purement individuelle ait un cours régulier, charge officielle, maison et personnel, femme et enfant. C'est dans ce genre de choses que leur existence s'épanouit. Or, ma vie est une vie intellectuelle, qui, en progressant sans entrave et en agissant sans obstacle, doit, dans les quelques petites années où l'esprit jouit de la plénitude de ses moyens et où il peut les employer librement, porter des fruits qui enrichiront l'humanité pour des millénaires. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'est le premier paragraphe de l'art de se connaître soi-même d'Arthur Schopenhauer qu'on vient d'entendre, interprété par François Raison. Alors il y a trois choses intéressantes dans ce texte d'Ugo Battini. D'abord, cette ouverture, vouloir le moins possible et connaître le plus possible. Ensuite, cette idée de héros, il dit « ma vie est celle d'un héros ». Et enfin, cette distinction qu'il fait entre vie purement individuelle et vie intellectuelle. On va revenir sur ces trois choses, Ugo Battini. Mais d'abord, vouloir le moins possible et connaître le plus possible. Là, on a clairement une indication vers sa grande théorie de la volonté. Oui, c'est tout à fait ça. C'est, à mon avis, c'est la phrase la plus marquante de l'essai. D'ailleurs, c'est celle qui ouvre. C'est celle qui ouvre l'essai. Et donc, ça permet peut-être de préciser ce qu'est la volonté. Hein. C'est-à-dire que la théorie de Schopenhauer est finalement assez simple. C'est-à-dire que il y a à cette époque-là une sorte d'interdiction qui va provoquer dans l'esprit de certains la fin de la métaphysique, c'est-à-dire l'interdiction kantienne qu'on ne peut pas connaître la nature réelle des choses, hein, des phénomènes. Hein. Le livre s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Le premier livre dit « Le monde est ma représentation ». Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il est de plus que ma représentation ? Et ça, Kant dit « Il n'y a pas de connaissance métaphysique possible ». Sauf que Schopenhauer va trouver une sorte de chausse-trappe, un souterrain qui va lui permettre d'accéder au derrière de la représentation. Et ça, c'est la place du corps. C'est-à-dire que parmi les représentations, il y a une représentation qui n'est pas comme les autres et que je peux sonder par derrière. Voilà. Et donc, il va découvrir ce qu'il appelle la volonté. Alors, le problème, c'est que le mot est un peu impropre, mais il n'y a pas de mot propre pour désigner l'essence du monde. Et donc, comment on pourrait définir la volonté? Déjà, oui, parce que nous, on a tout de suite en tête la volonté, le fait de vouloir quelque chose, de vouloir atteindre un but et de définir des moyens pour atteindre ce but, ce qui là n'est pas le cas, en fait. C'est pas du tout le cas, parce que nous, ce qu'on appelle la volonté, ce qu'on appelle l'évolution, c'est une volonté qui est éclairée par la connaissance. Alors que le propre de la volonté de Schopenhauer, c'est précisément d'être totalement aveugle. Et c'est ça qu'il arrive à découvrir. Alors, il se justifie, hein, le paragraphe 22 du Monde explique pourquoi il choisit le mot volonté, mais pourquoi c'est pas l'idéal. Mais de toute façon, il n'y a pas de mots, il n'y a qu'une intuition. Et c'est pour ça que ce qui est très important, et ça revient d'ailleurs aux petits tressés et à la question de sagesse pratique, c'est que la métaphysique de Schopenhauer se fonde sur l'expérience. Et qu'est-ce que me dit l'expérience de mon corps? C'est que mon corps est un être affecté, qui est travaillé par une souffrance, mine de rien. Même si la volonté n'est pas la souffrance, il se trouve que c'est l'expression la plus directe. Et donc, cette volonté, c'est une puissance aveugle et irrationnelle. C'est très important pour la suite. Donc, quand il dit vouloir le moins possible et connaître le plus possible, telle est la maxime qui a dirigé le cours de ma vie, c'est cette idée qu'il faut éviter d'être toujours... Il y a une très belle image dans un texte où il dit « L'homme est comme un pantin qui est poussé par derrière par une force. Et je suis poussé par cette volonté-là. » Et en connaissant, je peux essayer d'enrayer cette poussée-là. Donc c'est ça qu'il veut dire très concrètement dans cette maxime-là. Et c'est ce qui rejoint ce qui fait comme distinction entre vie purement individuelle et vie intellectuelle ? Alors, c'est-à-dire que la vie intellectuelle, elle me sort, quand on est dans la vraie connaissance philosophique, elle me sort de mon individualité. Et d'ailleurs, un des objectifs du monde, et qui n'est pas du tout présenté dans ces traités-là et dans tous les autres traités que vous allez voir dans la semaine, c'est quand même à la fin la négation de la volonté. C'est-à-dire, mais cette négation-là... La négation de la volonté, comme on l'a définie, c'est à savoir comme une sorte de poussée vitale aveugle, mais aussi comme poussée qui singularise les hommes. Exactement. Il faut arriver à supprimer son individualité. Justement, c'est cette vie mesquine, réduite sur des... Il dit ça, c'est il dit l'homme du commun porte un flambeau, le génie c'est un soleil. Donc il voit la vie vraiment par le petit bout de la lorgnette. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand même comment comprendre cette idée de ma vie et celle d'un héros, comment comprendre ces textes qui certes en fait étaient destinés à lui-même et lui permettaient en fait de tenir le coup, comment soutenir cette idée de tenir le coup en tant que soi, Schopenhauer, philosophe, singularité, alors qu'on passe sa vie à soutenir une théorie qui dit que le véritable génie, sujet, connaissant n'est pas dans la volonté qui singularise l'individu. C'est le constat. C'est le constat et la guérison qui va derrière. C'est-à-dire que... Vous pensez qu'il a guéri après avoir eu ses stratégies pour faire face ? Alors, les stratégies qu'il décrit dans le traité, non. Ça, c'est clair que non. On dirait plutôt qu'il va mal. Quoi. Ouais, et ça, c'est sûr. Mais par contre, qu'il arrive à une forme. De toute façon, c'est toujours. Il y a toujours une question sur Schopenhauer. C'est il fait pas ce qu'il dit. Mais c'est pas le problème. Enfin, le fait que ce soit pas un saint, ça n'empêche pas qu'effectivement. Comme beaucoup de gens. Voilà, il y a ce qu'il décrit comme étant la négation de la volonté et, à mon avis, le terme qu'il recherche. En tout cas, c'est ce vers quoi la philosophie doit nous mener, c'est-à-dire la compréhension claire de l'absurdité de l'existence, et donc de trouver des moyens, alors temporaires, dans l'art, ou définitifs, dans une compréhension réelle de ce qu'est la volonté. Alors, il y a un autre paragraphe qui est très intéressant, qui est le paragraphe 30. Voici ce que dit Schopenhauer. « La différence considérable entre mes semblables et les autres repose en grande partie sur l'effet que les premiers ont un besoin urgent que les autres ignorent et dont la satisfaction leur serait même dommageable, le besoin de disposer librement de leur temps pour penser et étudier. Cela change jusqu'au critère moral qu'on emploie pour juger des hommes semblables à moi. C'est pourquoi avec les anciens, avec Socrate et Aristote, je tiens le temps libre pour le plus précieux des biens terrestres. Quand il naît un homme comme moi, il reste à espérer du monde extérieur cette seule chose que tout au long de sa vie, chaque jour et à chaque heure, il puisse autant que possible être soi-même et vivre pour son esprit. » Et là, on retrouve précisément ce qu'il dit dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, cette distinction entre la vie purement individuelle et la vie intellectuelle, c'est aussi une question de temps. Et ça, c'est assez inattendu, je trouve. Ah oui, c'est l'art de se connaître soi-même, ça pourrait être l'art de bien se servir de son temps, en réalité, puisque c'est déjà pour être soi. C'est vrai que ça conviendrait mieux. Ce serait mieux, en tout cas par rapport aux extraits qui sont publiés, ce serait mieux. Mais c'est aussi parce que se connaître soi-même, c'est aussi le temps, c'est un temps propre, puisque les activités quotidiennes, les sollicitations de cette volonté qui nous pousse vers des désirs infinis qui sans cesse se renouvellent, nous amènent à se perdre réellement. Et c'est pour ça que, par rapport à la question de savoir est-ce que ce texte est conforme avec sa philosophie, c'est quand même un texte qui met en avant cette nécessité de disposer de son temps. C'est d'ailleurs intéressant parce que quand il postule à Berlin, il fait une lettre de présentation et il insiste sur le fait qu'il remercie son père de lui avoir donné une sorte d'héritage, de lui avoir donné la possibilité d'utiliser de son temps comme il veut. Et donc, justement, pas forcément être obligé d'enseigner. Oui, parce qu'il faut le dire, on a parlé de sa mère au moment où ça allait très mal, où en fait il était brouillé avec sa mère, mais son père en fait est décédé quand il était alors en train de faire des études. C'était un riche négociant, donc Schopenhauer devait quand même reprendre l'affaire de son père, et finalement son père meurt, donc il peut arrêter les études commerciales qu'il détestait. C'est vrai qu'on a quand même du mal à voir Arthur Schopenhauer en train de faire des études de commerce, mais enfin bon, pourquoi pas. En tout cas, il les détestait, et il se tourne vers la médecine, puis vers la philosophie. Et c'est vrai que la rente de son père, l'héritage de son père, lui a permis de vivre justement, de pouvoir disposer de ce temps-là pour penser. Ouais, c'est vraiment, ça pourrait être négatif, mais une sorte de philosophie de rentier. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce temps libre. Et effectivement, alors c'est sa mère hein, qui va le libérer, parce que même quand son père meurt, il se trouve attaché à sa promesse. Et il devient trop malheureux. Voilà. Il gardera quand même des études commerciales. Il y a une maxime qui est très belle. Il dit « La vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais », qui est devenue une sorte de maxime qu'on cite assez souvent sur Schopenhauer. Mais du coup, ce temps-là, il va en avoir, il va en disposer. Il va faire des études très poussées sur la physiologie qui vont l'amener à confirmer toutes ses hypothèses, ses intuitions métaphysiques. Et notamment sur la nature et sur cette poussée, aveugle. On vient de parler de fait de se connaître soi-même. Juste revenir, non pas sur l'idée de connaître, mais aussi sur l'idée de soi-même. Est-ce que Schopenhauer tente de définir ce soi-même qui ne serait ni un individu singulier, ni finalement un pur sujet connaissant? Est-ce qu'on peut trouver une troisième manière de se définir soi-même? Là, il dit héros dans le texte qu'on a entendu. Est-ce que ça pourrait être ça, l'idée de se définir soi-même? Pour lui, c'est comme ça qu'il se perçoit, mais de toute façon, la connaissance de soi, elle est forcément illusoire. À partir du moment où l'individualité est une illusion et que la seule réalité, c'est la volonté, voilà, chacun joue un rôle. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure que votre vie s'écoule, vous pouvez prendre connaissance de ce rôle. Là, on retrouve quelque chose qui est assez connu, c'est l'opposition entre le caractère empirique et le caractère intelligible que pose Kant. Et sauf que Schopenhauer va un peu dans ce sens-là. Il ne peut pas y avoir de connaissance directe du caractère intelligible. Je ne peux pas savoir ce que je suis absolument. Je le découvre au fur et à mesure de mes actions. Il y a presque quelque chose d'existentialiste. Ah ben, de toute façon, Schopenhauer va être à l'origine de ses pensées existentialistes après. Ouais. Fais sortir tes mains! Tu seras privé de foot dimanche. Oh non, mon père, soyez pas vache, pas le foot. Petit misérable. C'est pas moi, mon père, c'est elle qui a commencé, c'est la Claudine. C'est toujours elle qui commence, petit imbécile. Quel âge as-tu? 14. Oh les chiennes, elles s'attaquent aux enfants. Si vous croyez que ça les arrête, mais rien ne leur fait peur, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on est obligé d'entendre en confession, des horreurs. Quel que soit l'âge, un pied dans la tombe, elles ne pensent qu'à ça. Je me suis fait avoir exactement comme toi, mon petit gars, à ton âge. Parce que moi aussi, je l'avais envisagé, la vocation ecclésiastique. Eh ben, tu sais comment tout ça s'est terminé? Un gâchis épouvantable. Hein? Et prends-en de la graine. Mes parents avaient une petite bonne, 19 ans, elle arrivait de Bretagne, toute neuve. Épargnez-nous la suite, on connaît l'engrenage. Elle vous apportait le petit déjeuner au lit le matin. Et parfaitement. Le piège classique. Les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous les dredons. Une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir. Les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux. Ça sent le café, le savon de Marseille. On se confesse et on recommence le lendemain. Voilà. Et à 40 ans, on est une épave. C'est ça que tu veux? Non, monsieur. J'ai jamais pu terminer Proust. C'est qui c'est, Proust? Oui, monsieur. Ouais. J'ai jamais dépassé un amour de Swann. Parce que figure-toi qu'à chaque fois que j'essayais d'ouvrir le tome 4, on aurait dit que ça déclenchait un disque. Paul, mon petit Paul, on est éteint. Ouais, tous les soirs, pendant 20 ans. Et on appelle ça le devoir conjugal. On retrouve entre cet extrait du film de Bertrand Blier, Calmos, sorti en 1976, entre son personnage interprété par Jean-Pierre Mariel et Schopenhauer, la même haine des femmes. Il faut en dire deux mots, Hugo Battini, parce que c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement dans ce texte. Vous avez dit, hein, ça fait partie des trois grands thèmes en fait de l'art de se connaître soi-même. Pourquoi une telle haine des femmes? Pourquoi les femmes sont-elles pires que ce qu'il appelle les bipèdes, à savoir le reste du monde? Alors, le texte, donc dans les extraits, effectivement, ça renvoie plus directement à sa biographie, à ses amours ratés, donc avec une chanteuse d'opéra, Caroline Richter. Mais après, il y a quelque chose aussi plus profond. Alors, ça ne veut pas dire que c'est excusable, mais plus profond, c'est-à-dire qu'elle est liée à sa métaphysique et dont l'explication sera donnée donc au chapitre 44 des compléments, où il va développer une métaphysique de l'amour sexuel. Et l'idée, c'est que on a vu que la fin de la philosophie, c'est d'arriver à cette négation de la volonté. Or, la femme, telle qu'il la pense, est l'affirmation de cette volonté en tant qu'elle est l'œuvre de perpétuation de l'espèce. Et pourquoi il parle de russe, que souligne d'ailleurs l'extrait, c'est que, mais malgré elle, c'est-à-dire que les femmes ne pensent pas qu'elles vont avoir. Oui, elle lui apporte le petit déjeuner, mais elle voilà, le séduit. Elle, c'est que la volonté a besoin de se reproduire. Et donc cette pulsion, et d'ailleurs c'est intéressant parce que cette pulsion, il faut aussi prendre, même s'il essaie de s'en écarter, mais c'est quand même une source principale de la psychanalyse freudienne, Eros et Thanatos sur les deux pulsions fondamentales, le chapitre donc 44 et celui aussi sur l'espèce de la ville 42, et a des accents sur la question du refoulement et des choses comme ça qui sont très proches de la psychologie freudienne. Et donc les femmes sont finalement l'appât de la volonté pour arriver à cette fin qu'est la reproduction. Voilà. Et c'est ça qui fait que... Alors après, Schopenhauer, c'est un autre texte, L'essai sur les femmes, qu'on retrouve aussi dans Les Parergas, qui va avoir, alors, si on parlait de son succès, qui va avoir évidemment dans une société principalement misogyne, un succès de dingue. Hein, c'est ça, en particulier en France. Schopenhauer, le monde n'est pas traduit immédiatement. C'est un choix de texte de Jean Burdeau qui fait une traduction et qui va tout de suite frapper Maupassant, les écrivains Soirée de Médan, et qui vont voir là une confirmation. Et donc, si vous lisez les nouvelles de Maupassant, vous avez une illustration hyper directe de cette théorie-là, où c'est toujours cette femme-là qui est présentée comme ce que l'on veut par-dessus tout, mais qui, à la fin, est en réalité, comme l'homme, hein, mais un animal et qui nous a amené à nous reproduire. Et c'est cet ensemble de textes rassemblés donc sous le titre qui convient peut-être pas très bien de l'art de se connaître soi-même, finalement renvoie plus à la vie individuelle, ce que Schopenhauer nomme la vie individuelle, donc la vie des autres hommes que lui, plus que la vie intellectuelle. Parce qu'une fois que Schopenhauer a dit finalement j'ai besoin de temps libre pour penser, je suis un génie, il ne va pas du tout décrire en fait sa méthode de travail, comment, ce qu'il fait, en quoi consiste penser. Il ne donne même pas une définition de ce qu'est penser. En revanche, il parle énormément, il ressasse même, en fait, ce que sont les autres hommes, dont aussi les femmes, enfin, le reste de l'humanité. Et là, il est très précis, en fait, dans ses descriptions. Il y a vraiment des prescriptions de nature, il y a des descriptions de caractère, il y a des descriptions d'occasion. En fait, c'est plus un traité de sur la nature humaine, un petit peu. Ben oui, ce texte-là, c'est effectivement, développe une sorte de philosophie de la nature humaine. Alors après, après, voilà, on peut le relier aussi au fait qu'il ait les hommes qui l'ont rejeté, qui n'ont pas su reconnaître son génie. Peut-être que les textes auraient été un tout petit peu plus différents si, effectivement, en 1819, il devenait le philosophe le plus lu d'Allemagne, et pas à la fin de sa vie. Parce qu'à la fin, finalement, même si... Vous pensez qu'il aurait écrit l'art de je ne sais pas quoi, d'ailleurs, mais qu'en fait, ça n'aurait pas du tout été ces mêmes fragments? En tout cas, on peut imaginer que ça n'aurait pas changé la thèse de fond, qui est effectivement une vision relativement pessimiste de l'humanité, mais qui n'aurait pas eu ce ressassement dans ses cahiers personnels. C'est ça, il est toujours dans l'idée qu'il y a une cabale aussi contre lui, c'est-à-dire... En fait, il est paranoïaque. Ouais, au sens clinique, peut-être, on pourrait aller presque jusque-là, mais c'est cette idée, en tout cas, que... Déjà, il y a une conspiration de l'université pour pas qu'il soit reconnu, c'est ce qu'il croit. Et il n'arrête pas de le multiplier dans ses préfaces d'ouvrages, voilà. Et c'est prouvé? Je pense qu'il n'intéressait pas forcément grand monde. Il faut voir qu'il a une époque où on glorifie Hegel et le progrès. C'est-à-dire la raison et le progrès, et lui, il dit que le progrès n'existe pas, et il professe un irrationalisme le plus profond. Il n'est pas en phase avec son époque. Et c'est ce qu'il dit, justement, le génie ne travaille pas pour le temps présent, il travaille pour l'humanité. Voilà. Je vous propose d'écouter un autre texte, Hugo Batimi, interprété par François Raison. Toujours garder en mémoire que je ne me trouve pas dans ma patrie, pas au milieu d'êtres de ma sorte, mais qu'un âpre destin, un destin étrange, et que seule la véritable compréhension du monde peut adoucir, me contraint à vivre parmi ceux qui me sont plus étrangers que les Chinois ne le sont à l'Européen, parmi les oiseaux, les bipèdes, les hommes qui n'en sont pas. Si pour les autres, la véritable compréhension de ce que veut dire Plaute par son « l'homme est un loup pour l'homme » est le produit du hasard, elle repose chez moi sur un instinct vital. On craint les bêtes dangereuses sans pour autant les haïr. J'ai la même attitude vis-à-vis des hommes. Je ne veux pas être un misanthrope, mais un contenteur des hommes. Pour pouvoir mépriser ceux qui le méritent comme ils le méritent, c'est-à-dire les 5/6 de l'humanité, il faut avant tout qu'on ne les haïsse pas. Il faut donc éviter de laisser monter la haine en soi. Car ce que l'on hait, on ne le méprise pas totalement. Ou pour prendre les choses par l'autre bout, le moyen le plus sûr d'éviter de haïr les hommes est de les mépriser. Mais alors de les mépriser radicalement. Ce à quoi on arrive quand on a une vision claire et nette de l'incroyable petitesse de leur vue, de la colossale étroitesse de leur intelligence et de l'égoïsme sans fin de leur cœur, source d'injustice criante, de pure envie et de pure méchanceté, et parfois même de cruauté. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie, je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage, et crois voir en nous deux sous même soin nourris ces deux frères que peint l'école des maris. Donc... Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon. Quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux. C'est ce que je demande. Se met un fort bon signe. Et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui. J'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale. Et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants. Je crois que le lien entre le misanthrope de Molière et l'extrait qu'on a entendu auparavant de Schopenhauer dans L'art de se connaître soi-même, donc le paragraphe 17, où Schopenhauer nous dit, interprété par François Raison, le moyen le plus sûr d'éviter de haïr les hommes et de les mépriser, le lien entre ces deux extraits est assez clair, c'est effectivement la misanthropie. Est-ce que Schopenhauer, qui fait une distinction très intéressante dans son texte entre haine et mépris, est véritablement un misanthrope comme on a tendance à le présenter? Justement, il veut éviter la haine parce que la haine, c'est encore leur accorder trop d'importance. C'est encore une forme de rapport à l'autre, c'est même encore si c'est un rapport négatif. C'est un rapport affecté et ça, c'est un aspect assez important par rapport à son pessimisme, c'est que cette haine, c'est un rapport positif alors que l'amour ne serait pas si positif que ça. Voilà, donc il veut éviter, c'est aussi une forme de ressentiment. Hein, cette histoire de mépris, c'est une façon de se mettre à distance de l'humanité, de ce qui pourrait justement lui empêcher de remplir son temps. C'est-à-dire, s'il commence à porter attention à ce que pensent les autres et tout, il n'écrit plus, et ça rejoint toutes les préoccupations qu'on avait vues avant. Et cette description, justement, du ressentiment, elle va trouver aussi une explication, même si ça va être assez orageux dans la liaison qu'ils vont avoir, mais avec, justement, Nietzsche. Qui va décrire justement parfaitement cet homme du ressentiment, qui va être le plus grand disciple de Schopenhauer. Donc voilà, quand on dit que Schopenhauer n'a pas forcément une pérennité en philosophie, il y a déjà ça, cette filiation-là. Et qui est aussi intéressant parce que Nietzsche est un lecteur très fin et va remettre en cause justement ce que je décris comme secondaire depuis le début, qui est son pessimisme. Puisque dans le paragraphe 186 de Par-delà bien et le mal, il va dire que Schopenhauer a un pessimisme de joueur de flûte et il se demande, est-ce que je peux vraiment qualifier de pessimiste un homme qui joue de la flûte chaque midi après son repas? Oui, voilà ça, c'est ce qu'il dit. Il est bon de se souvenir que Schopenhauer, bien qu'il fût pessimiste, s'est amusé à jouer de la flûte tous les jours en sortant de table, lisez là-dessus son biographe. Et je me demande en passant si un pessimiste, un négateur de Dieu et de l'univers qui joue de la flûte pour accompagner sa morale du « ne nuit à personne » a le droit de se dire véritablement pessimiste. Mais justement, est-ce que ce pessimisme-là, finalement, est-ce que c'est pas un peu une caricature de Schopenhauer? Ah ben c'est une lecture biaisée et qui empêche peut-être de voir l'essentiel. C'est vraiment le problème de la réception de Schopenhauer. Là, on revient au problème fondamental du début, c'est-à-dire être connu pour les parergas, c'est prendre le risque de ne pas être connu pour le monde. Mais il y a quand même une vision très noire, non, dans le monde comme volonté et représentation. Comment on peut distinguer le pessimisme de la noirceur de ses écrits? Est-ce que c'est vraiment pas, en fait, est-ce que c'est pas aussi le fait de d'éviter la caricature, mais quand même de se dire assez lucidement, oui, Schopenhauer est un philosophe du pessimisme. Il fait partie quand même de ce corpus qu'on appelle le pessimisme. Ou alors véritablement, c'est une erreur de lecture? Alors, c'est pas une erreur de lecture, parce que c'est quand même lui qui va mettre dans le champ philosophique le pessimisme. Alors, même s'il faut quand même réaliser que, si on lit la Lande, le vocabulaire philosophique, André Lalande fait remonter le pessimisme 1815, à peu près, en Angleterre. Alors, moi, ma théorie là-dessus, c'est que le pessimisme est extrêmement présent avant même que Schopenhauer l'explique, Leopardi, par exemple, en Italie. Je pense qu'on pourrait même aller, alors c'est une hypothèse que je trouve extrêmement séduisante, mais qui est probablement fautive, sur justement le fait qu'en 1815, il y a l'éruption volcanique du Tambora, qui est l'éruption volcanique la plus importante de l'histoire, qui va plonger le monde entier dans une sorte ça s'appelle ça l'année sans été 1816, où il va, par exemple, en Suisse, neiger en plein été, quelque chose comme donc ça. Donc Schopenhauer a vécu ça. Il a vécu ça. Et au moment où il écrivait, d'ailleurs. Au moment où il écrit Le Monde, au moment où on parlait, Marie Shelley écrit Frankenstein, il y a pourtant une sorte d'incointance, alors cette sorte de psychogéographie, ça peut sembler une épisode délirante, mais je ne crois pas, vraiment. Et donc Schopenhauer, en 19, va mettre un mot derrière une sensation que tout le monde perçoit, mais n'arrive pas clairement. Et donc, c'est ça le succès. C'est qu'il va finalement dire quelque chose. Saisir l'air du temps. Parce que, alors on peut se dire, mais comment l'éruption d'un volcan en Indonésie va perturber? L'éruption d'un volcan en Indonésie fait 100 000 morts, déjà. Rien que pour la famine. Parce que la baisse des températures va avoir, alors c'est intéressant parce que c'est quand on parle des questions climatiques, c'est à 1-2 degrés près. Il dit jusqu'à 1,5 degré, va entraîner une famine colossale. Et ce qui est intéressant, c'est que des auteurs comme Shelley, Percy Shelley, écrit ça dans ses carnets. Il est en Suisse au même moment et il commence à voir les Suisses qui partent au Brésil établir une nouvelle colonie parce qu'ils n'ont plus de nourriture. Et donc, c'est ça qui se passe. Vous avez Leopardi en Italie qui dit « la vie est un grand hôpital ». Il y a une sorte de présentation, ça va jusqu'à... C'est l'anecdote qu'on met toujours en avant sur cette éruption, c'est les soleils rougeoyants de Turner qu'il peint sans savoir qu'effectivement, c'est le mélange des cendres qui retombe. Hein, les cendres ont fait trois fois le tour de la Terre et ont obscurci comme ça. Et donc, il y a, je pense, c'est ça que je trouve assez fort chez Schopenhauer, c'est qu'il va donner un mot à quelque chose qui est attendu. Et c'est ça qui va faire son succès. Je pense qu'il y a deux choses qui font succès. C'est ce pessimisme-là qui est dans l'air du temps et qu'il va conceptualiser. Et le fait aussi, qui est important et qui revient à notre texte sur ce que sont les hommes, c'est qu'il va être le premier à donner une nouvelle définition de l'homme, où l'homme n'est plus en haut, défini par sa raison, mais au contraire, ramené à son animalité, à son irrationalité. Sauf lui, puisque là, très clairement, en creux de ce texte-là qu'on a entendu, quand il dit le moyen le plus sûr d'éviter de haïr les hommes et de les mépriser, c'est cette forme de mépris n'est permise que pour les génies. Et là, il faut quand même dire qu'à travers ces petits fragments se dégage une véritable théorie en fait du génie. On a entendu le terme héros tout à l'heure, je ne sais pas si c'est complètement synonyme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que lui, en revanche, fait partie de l'élite. Et quand même, ce qui distingue l'élite du reste des hommes, c'est toujours la connaissance. Ah ben c'est exactement, on revient au deuxième texte, sur sa maxime, hein, il faut vouloir connaître le plus possible. Le génie, c'est pas un homme, c'est un monstre. Il est à lui-même sa propre espèce. Ouais. C'est une aberration. C'est un monstre par excès, hein, c'est ce qu'il présente ça dans les compléments sur le génie. C'est des textes d'ailleurs qu'on va retrouver chez Bergson et tout. On va y avoir une filiation très directe là-dessus. Donc le génie est déjà en train de sortir de l'humanité, c'est une anomalie. Et c'est précisément cette anomalie qui fait qu'il y a des dosages, alors évidemment ça semble ridicule, mais un homme normal est composé, on va dire, de deux tiers de volonté et d'un tiers de représentation. La représentation, c'est la connaissance. Donc vous voyez, la représentation est complètement sous le joug de la volonté, alors qu'un génie est composé de deux tiers de représentation et d'un tiers de volonté. Il va inverser la... Il inverse le rapport de puissance. Mmh. Et donc le génie devient un voyant et il voit ce qu'est la nature humaine. Et ça explique ce texte-là. Alors néanmoins, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, Hugo Battini, on arrive bientôt au terme de l'émission, on vous l'avait bien dit, hein, Schopenhauer a saisi l'air du temps. Il saisit quand même quelque chose de très juste sur les hommes, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas quand même à arrêter de les valoriser par rapport à leur raison. Là, on l'a quand même très bien entendu à la fin du texte. Incroyable petite thèse de leur vue, colossale étroitesse. D'ailleurs, on pourrait revenir sur ces figures de style qui sont intéressantes. Égoïsme sans fin de leur cœur, source d'injustice criante, de pure envie et de pure méchanceté, et parfois même de cruauté. Alors, on voit bien qu'il arrive complètement à saisir cette ère du temps, et néanmoins, cette idée de mépris, on peut peut-être finir là-dessus, c'est vraiment un concept intéressant, le mépris, parce que c'est pas la haine, mais c'est quand même un rapport aux hommes, mais presque un rapport qui est pire que négatif, en fait, qui est vraiment presque de l'ordre de la connaissance froide. Oui, il y a ça, mais pour... peut-être finir sur quelque chose de plus optimiste. Donc, vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, mais il y a une connaissance froide des hommes et c'est ça qui amène le mépris. Et puis, c'est ce qui on rassemble tout. C'est-à-dire ce qui explique aussi ces textes-là, qu'il a été blessé par les hommes, au-delà de la théorie qu'il en a. Mais il a aussi, et c'est un concept clé que vous allez probablement voir en étudiant le livre 4, qui est la question de la compassion. C'est-à-dire qu'il souffre aussi pour les hommes. C'est ça aussi l'ouverture de la fin qu'on a tendance. Et il ne souffre pas que pour les hommes. Puisque sa compassion, puisque la volonté étant une, elle va toucher tous les vivants, y compris les animaux. D'où l'amour qu'il porte aussi à son chien. On a fait une émission dessus, je vous invite à la réécouter. Merci beaucoup en tout cas Hugo Battini d'avoir ouvert cette semaine sur Schopenhauer, les arts d'Arthur Schopenhauer. On a commencé avec L'art de se connaître soi-même. Donc c'est un livre disponible aux éditions Rivage Poche dans une traduction de Laurent Férec, préfacée et annotée par Franco Volpi. On peut lire Hugo Battini, le dictionnaire Schopenhauer, Schopenhauer, une philosophie de la désillusion, les deux aux éditions Ellipse. Schopenhauer aux éditions du Cerf. Et enfin, quand même, parce que c'est ça son grand livre, Le Monde comme volonté et représentation chez Gallimard, dans une nouvelle édition critique à laquelle vous avez participé. Merci beaucoup Hugo Bessy. Oh, throw him out the window, he can't stay. How did he get in here anyway? What do we want with him around the place? The pessimistic character with the crabapple face. When he hears a joke, he always cries. When there's any fun, he darn near dies. What do you say we laugh at his sad case? The pessimistic character with the crabapple face. He's never welcome anywhere he goes. Let him stay where he belongs. In a book of Edgar Allan Poe's, why don't we lose him? Wrap him in a blanket, carefully. Throw him out the window, a one, a two, a three. It'll be great to wear a grin and chase the pessimistic character with the crabapple face. écoutez France Culture, vous écoutez Bing Crosby's Pessimist Character. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. L'amour est-il une passion comme les autres? Comment l'amour ne serait-il pas un défi pour la philosophie? Ce sentiment si important dans nos vies, ce sentiment si fort, si puissant, qui nous pousse à accomplir des actes si extraordinaires ou dont les malheurs, les troubles et les chagrins peuvent aussi briser nos vies jusqu'à l'extrême. Comment l'amour ne serait-il pas le problème de la philosophie qui a elle-même l'amour ou en tout cas le désir ou l'amitié, quelque chose de cette racine-là dans son propre prenons la philosophie, aimer la sagesse. Pourtant, les plus grands défis font parfois aussi les plus grands dénis. Et on peut dire qu'il y a au fond deux grandes tendances dans la philosophie des passions, dans la philosophie qui rencontre l'amour, qui ne peut pas ne pas rencontrer l'amour. Il y a toute une série de philosophies pour lesquelles l'amour est une passion comme les autres. On peut citer à cet égard Descartes ou même Spinoza, le traité des passions de l'âme de l'un, l'éthique de l'autre, qui classifie tous nos motifs d'action volontaires ou même involontaire à travers notamment les passions. Et alors l'amour est en effet une passion comme les autres. Par exemple, chez Spinoza, le désir de quelque chose uni à la volonté de s'unir à cette chose. Et il y a une combinatoire de l'amour qui peut engendrer nos joies ou nos tristesses. Et c'est finalement la joie ou la tristesse qui vont le réguler. Et l'amour est alors une passion comme les autres, mais pas tout à fait anodine pour autant, car elle traverse malgré tout même l'éthique de Spinoza. Et un commentaire récent de Bernard Potra y a même vu une éthique de la sexualité. Mais quand même, dans Descartes et dans Spinoza, il y a une volonté de ranger l'amour dans la classification de nos motifs d'agir et donc des passions de l'âme. Mais il y a d'autres philosophies pour lesquelles l'amour est au cœur de tout. L'amour comme force universelle. L'amour, par exemple, chez Platon, qui en effet nous oriente d'un objet à l'autre, d'un corps individuel jusqu'à la beauté, la sagesse et le bien. Et il y a l'amour universel et parfois sans contraire, des grands mystiques, l'amour divin qui justifie la création divine et qui justifie tous les sacrifices. On passe ainsi d'un extrême à l'autre. Et d'une certaine façon, que deviennent nos amours individuels? Soit ils sont rangés parmi les passions, soit ils sont hissés avec une majuscule vers un amour sans contraire et qui peut les dépasser vers l'universel absolu. Mais l'amour, justement, ne s'oppose-t-il pas au désir, ne s'oppose-t-il pas à la passion en général? D'abord par sa singularité. Aimer, ce n'est pas aimer en général, c'est toujours aimer quelqu'un. C'est un désir avec toute la force du désir. Mais contrairement au désir, justement, en général, c'est le désir de quelqu'un de singulier. Et c'est aussi la façon dont quelqu'un peut nous aimer et nous constituer comme sujet. Peut-être que l'amour n'est pas une passion comme les autres, d'abord parce qu'il est la condition du sujet de toutes les passions, de ce moi qui est capable de désirer ou d'agir d'une façon générale, et comment le ferait-il s'il n'a pas été aimé? C'est pourquoi l'amour est peut-être une passion première, mais une passion risquée, car elle a, ou il a, c'est parfois au féminin, aussi un contraire. Il peut ne pas advenir dans nos vies, il a non seulement des aventures et des chagrins, mais il a un contraire qui n'est peut-être pas la mort, mais d'abord la haine. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui, Dimitri Paz et François Raison à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette première émission sur les arts de Schopenhauer, sur l'art de se connaître soi-même, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces arts de Schopenhauer, et demain nous parlerons de l'art d'être heureux, donc toujours de Schopenhauer, et ce sera avec Marie-Michel Blondin. À demain.